La délégation de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung, conduite par le vice-président du comité central de l'Union, Tong Yong-won, a quitté Pyongyang par train le 28 mai pour participer à la première réunion préparatoire internationale du 19e Festival mondial de la jeunesse et des étudiants prévu au Venezuela.